ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonjour, bienvenue sur l'émission Vous êtes libre ce soir, présentée par Pierre et Emmanuel. Donc aujourd'hui dans l'émission, on va parler des musiques libres et plus particulièrement des plateformes de musique libre, donc pour écouter la musique sur Internet. Emmanuel va commencer à nous parler des licences et de qu'est-ce que c'est réellement que de la musique libre par rapport à la musique traditionnelle. Eh bien justement, définissons ce que c'est d'abord qu'une licence. Une licence, c'est pas vraiment propre au domaine de la musique. Une licence, en général, c'est un contrat juridique qui est passé entre vous et l'auteur et qui, justement, définit ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Dans le cas des licences de musique libre, vous avez toujours le droit d'écouter la musique, de la copier sur quelque support que ce soit, de la distribuer à vos amis ou même sur un réseau de peer-to-peer, sans qu'on vous traite de pirate. Alors, comme il y a différentes licences, vous avez différents droits sur toutes les œuvres qui sont disponibles. Les licences les plus courantes sont les Creative Commons, qui prévoient que l'auteur puisse vous accorder ou non le droit de faire un usage commercial de ses œuvres, ou puisse vous accorder aussi le droit de modifier ses œuvres selon sa volonté. Alors les Creative Commons, ça se définit assez simplement à partir de quatre clauses qui sont bien compréhensibles. La première qu'on retrouve dans toutes les licences Creative Commons, c'est l'attribution, c'est-à-dire qu'une chanson soit distribuée ou modifiée, le nom de son auteur original doit toujours vous être communiqué. Il y a aussi la clause NC, qui permet à l'auteur d'interdire les usages commerciaux de son œuvre sans son autorisation. La clause SA, quant à elle, impose que quand vous faites une œuvre dérivée, cette œuvre doit suivre le même accord juridique. Et finalement, la clause ND, qui est assez restrictive, soumet toute modification de l'œuvre à une approbation au préalable de l'auteur. Donc en fait, on voit qu'il y a trois degrés de liberté à peu près, il y en a différents. C'est de permettre l'écoute gratuite et libre, de permettre la diffusion, et après le dernier degré, c'est d'aller jusqu'à permettre la modification, qui est une très bonne chose. Donc après avoir parlé de ces licences, on va vous diffuser un premier extrait, comme ça vous permettra de vous rendre compte de ce qu'on trouve sur ces plateformes. Alors c'est un album qu'on trouve sur Dogmazic et Jamendo, donc on vous parlera de ces deux plateformes. C'est fait par un groupe de Haute-Savoie qui s'appelle Piège à Rêve et qui existe depuis déjà 2001, qui a fait d'autres albums depuis. On va envoyer ça tout de suite. Piège à Rêve, Mother Tongue. I cry with your words, I dream with your rhymes, you're so poetical, Mother Tongue. I write with your blood, I sing with your soul, you're often it change life in poems. I love reading your beauty, I whisper your verses and I scream my anger thanks to you. You are my favorite language and I don't want to change with you. I want to make my horse a song. Oh sweet music tone, I'll never let you down. Just stupid words of love, repeating. Eh bien, c'était Mother Tongue du groupe Piège à rêve. Pour en revenir justement sur la licence en question était la Creative Commons by NCSA, qui signifie que, quelle que soit la distribution de cette œuvre, vous devez toujours citer le nom de l'auteur Piège à rêve, que toute utilisation commerciale de cette œuvre est soumise à l'approbation de l'auteur, et que vous pouvez évidemment faire des œuvres dérivées, à la seule condition de garder l'œuvre sous la même licence. Et de redonner le nom de l'auteur initial. Donc maintenant, on va parler des différentes plateformes de musique et on va commencer avec Jamendo. Alors Emmanuel va nous expliquer ce que c'est que ce gros site qui s'appelle jamendo.com, je crois. Oui, c'est jamendo.com. C'est un site qui est géré par une entreprise luxembourgeoise et historiquement, c'est le plus gros site de diffusion de musique libre. Je dis que c'est le plus gros parce qu'il y a actuellement un peu plus de 24 000 albums, donc un catalogue très fourni. Faut dire bien sûr que le site est plutôt bien fait avec une interface assez conviviale, mais c'est une entreprise qui gère ce site et elle vit de différentes sources de revenus qui sont la publicité, aussi une boutique où les artistes vendent des albums physiques de leurs œuvres, qui vendent aussi des versions en audio sans perte de leur musique. Donc il y a tout un modèle commercial qui est en train de se mettre en place. Également, Jamendo vend aussi des licences commerciales des œuvres qui sont mises sur son site et en reverse bien sûr une bonne partie aux auteurs. Et par contre, c'est une entreprise qui est un petit peu controversée. Il y a des artistes qui diffusaient leur musique sur Jamendo et qui sont partis en protestant. Ceux-là, on peut les retrouver sur le site jamendouille.free.fr, où là, en fait, ils contestent les méthodes de Jamendo en disant que ce site a vendu leur musique sans leur autorisation. Vous pourrez trouver les raisons de leur grogne. Maintenant, passons... Alors, un dernier point avant, donc Jamendo. Le gros avantage, en fait, c'est que c'est quelque chose qui est très international. On trouve des groupes de tous les pays, États-Unis, République tchèque, France, tous les pays, Australie, etc. Ça va bien. Donc, c'est le gros avantage par rapport aux deux autres plateformes. Les deux autres plateformes, donc, on va commencer par Docmasic, qui existe aussi depuis longtemps, peut-être même avant Jamendo, je ne me suis pas renseigné. Qui compte beaucoup moins d'albums et qui est beaucoup plus français. Par contre, qui a l'avantage, avantage si l'on veut, d'être une association qui défend les artistes et qui organise beaucoup de choses en France. Alors, si vous voulez en savoir plus, faudra aller sur le site, parce qu'on ne peut pas vous expliquer en 3 minutes toutes les actions qui sont organisées par Docmasic. Mais c'est un catalogue plus petit avec quand même 35 000 morceaux. Et allez, autre point noir, l'interface est beaucoup plus difficile à utiliser que celle de Jamendo. On s'y repère moins facilement, faut être honnête. Mais c'est une association qui bouge beaucoup en France. Alors, pour rester dans les associations, on va terminer avec la dernière plateforme. Cette dernière plateforme, c'est Boxon. Ça, c'est une petite association que je ne connais pas très bien d'ailleurs, mais qui est intéressante parce que ça montre bien la démarche des auteurs du libre. C'est que en 2005, plusieurs artistes faisaient un concert à Istres. Alors, c'est dommage, j'ai pas les noms des artistes, mais la salle était grande et il y avait très peu de monde. Très peu de monde, ce qui fait que les artistes ont été déçus et ils ont décidé de diffuser plus largement leur musique parce qu'ils n'arrivaient pas à toucher un public. Et depuis, ils ont monté cette association et ils diffusent leur musique sur leur site et ils proposent aux autres artistes de venir déposer aussi leurs morceaux. Donc une jolie démarche qu'on espère va marcher et qui montre l'intérêt du libre. On va passer au dernier morceau. Alors, c'est un nom que j'arrive pas à prononcer comme groupe, donc on va laisser Emmanuel le présenter. Il s'agit de Bal et Bachekrou. C'est un groupe qui mêle à la fois le reggae et le hip-hop, et dans une ambiance assez festive et souvent joyeuse. Et le titre de ce morceau est... Fier. Fier. Allez, c'est parti. Le croire qu'à nos concerts c'est souvent la même atmosphère. Reggae music, une seule devise, on lâchera pas l'affaire. Convaincu que la vie n'est pas qu'un véritable enfer. Une chose est claire, rien n'est offert sur cette terre, alors fier de voir qu'à nos concerts c'est souvent la même atmosphère. Reggae music, une seule devise, on lâchera pas l'affaire. Convaincu que la vie n'est pas qu'un véritable enfer. Une chose est claire, rien n'est offert sur cette terre, alors on n'est pas là ce soir pour vous faire la morale. On n'est pas là ce soir pour vous dire le bien, le mal, non. On n'est pas là ce soir pour vous faire la morale. On n'est pas là ce soir pour vous dire le bien, le mal. Un seul objectif, partager reggae music, balancer ce qu'on a sur le cœur, transformer le bad en positif. Aller chercher les juger les flics, qu'enfin on leur explique que c'est pas parce qu'on fume des spliffs qu'on est des êtres négatifs. On tous la même vibration, pas de discrimination sur votre basket ou casquette. Bienvenue sur notre planète pour toutes les filles, tous les garçons. La même sensation, il est temps que Babylone s'inquiète, que la jeunesse relève la tête et fière. De voir qu'à nos concerts c'est souvent la même atmosphère. Reggae music, une seule devise, on lâchera pas l'affaire. Convaincu que la vie n'est pas qu'un véritable enfer. Une chose est claire, rien n'est offert sur cette terre. On serait confort et d'entendre jouer des rythmes bien bien lourds, bien bien forts, conduits corps. Et mieux serait temps encore que des foules entières bougent d'une seule âme, comme si on avait jeté un sort sur des sons bien skankés, sur des sons bien joués. C'est pas à quel point ça me fait plaisir de voir les gens se réunir, sourire et ne plus se soucier. Sourire sur les sons balancés et partager un petit bout de sa gaieté. Oh oui, partager un petit bout de sa vie. Tu sais qu'on n'en aura jamais, jamais, jamais assez de tous ces cœurs mêlés. Le tout est de s'en mêler. De voir qu'à nos concerts c'est souvent la même atmosphère. Reggae music, une seule devise, on lâchera pas l'affaire. Convaincu que la vie n'est pas qu'un véritable enfer. Une chose est claire, rien n'est offert sur cette terre. Alors donne-moi du reggae. Ouais, j'aime cette musique et je veux la faire partager. Donne-moi du reggae pour faire danser la foule du plus jeune au plus âgé. On fout qu'il a haut, construira pas un empire. On est juste fiers, fiers d'entendre vous nous avez fait plaisir. À côté y'a plein de choses, mais dans la vie rien n'est si fort. Entendre une salle crier, c'est la récompense de tant d'efforts. Fier de voir qu'à nos concerts c'est souvent la même atmosphère. Reggae music, une seule devise, on lâchera pas l'affaire. Convaincu que la vie n'est pas qu'un véritable enfer. Une chose est claire, rien n'est offert sur cette terre. Alors fier de voir qu'à nos concerts c'est souvent la même atmosphère. Reggae music, une seule devise, on lâchera pas l'affaire. Convaincu que la vie n'est pas qu'un véritable enfer. Une chose est claire, rien n'est offert sur cette terre. Alors fier. Alors c'était Ballet, Bassé, Crew, j'ai réussi enfin à le prononcer. Juste pour vous signaler quand même la licence, donc c'est du art libre. Alors c'est une licence dont on n'a pas parlé mais qui est très très ouverte aussi, puisqu'elle permet les libertés dont on a parlé, c'est-à-dire l'écoute, la distribution et la modification. Encore un dernier point pour dire que ce groupe-là, il a beaucoup d'autres chansons, que ces chansons, vous pouvez les retrouver sur Dogmazic, donc allez y faire un tour. Nous, on a fini l'émission, donc on va vous dire au revoir, et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Ça vous dit d'aller boire un verre ? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.